Après le batteur, c'est le bassiste qui est maître du temps. Le bassiste est maître du temps après le batteur. C'est pas le batteur, c'est la basse. Tu vois la responsabilité que tu as. N'importe quoi. Qu'est-ce que c'est que ce chouchou? S'il n'y a pas de batteur, c'est donc toi qui tiens le rythme. Thank you. Ah non, moi je papillonne sur le temps, je me balade sur le temps.